Ils peuvent plus faire semblant, frérot. La cour des grands. Du disque dur au disque d'or, gros. Du disque dur au disque d'or, gros. Biggie. Dealer. Mon poste préfère avoir les poches que le cerveau troué. Si t'avais des couilles, t'aurais pas besoin de le prouver. Hier soir encore un râteau, c'est pas la première fois. Parisienne, enlève ton chapeau, y'a pas de soleil chez toi. Tu disque d'or. Quoi, t'es disque d'or? Ce soir j'ouvre le champomis, on fait la fête à Gryffondor. Y'a quelqu'un? Allô? Personne sait. Allô? J'crois que leur carrière dans le rap est bien trop vite tombée. Ah. Je reçois des leçons de rap par des mecs qui parlent de mon flow, de mes tectories. Mais j'oublie pas que ces pauvres gars y'a pas assez longtemps danser sur la tectonie. On n'est pas dans la même catégorie. Ils veulent imiter les techniques de l'équipe. Tu le sais, j'arrive comme un terroriste. Mais j'ai mis des rimes, je n'ai pas de dynamite. Et la jeunesse s'endort, elle a plus grand chose à dire, ouais. Beaucoup de mes potes roulent des joints avec leur avenir. Et ils fument toute la journée. Et elle dure, ma putain de tournée. Les types me disent, Biggie, t'as changé depuis que tu fais du chiffre, du fric, du bise. Les filles te fliquent, t'idéalisent, ils s'imaginent que je vis sur une île au milieu de bikini, de teen et de mille, fait de milliers de bif. C'est pas fini ici, c'est la frime qui prime. Si triste, les petits se vident, l'esprit ils teasent. Ils dealent du shit pour dilapider leurs centimes dans leur style. Ensuite ils speed, ils visent la vie, le vizir et les limousines. Je sais c'est dur, mon ami, ils ont des certitudes. Nous, un avis, ils ont des grosses putes. Nous, une famille, ils ont des gros muscles. Nous, du charisme, célèbre pas trop la victoire. Un jour je pourrais perdre, je préfère des enfants à mes concerts que des bourrés de merde. J'ai un problème de croissant, je sais pas pourquoi. En ce moment, mon compte en banque grandit plus vite que moi. C'est saoulant, à quoi on sert? Ils nous prennent pour des serpillères. Je garde les pieds sur terre, la tête dans l'interstellaire. J'ai écouté mon père, qui m'a dit fils persévère. Mon fric va à ma mère, pas dans une Mercedes. J'suis tellement maigre, on dirait que j'suis malade. J'suis naze avec les femmes, quand je les drague, elles me baladent. J'ai une face dégueulasse, crois-moi, c'est pas marrant. J'suis disque d'or, mais j'dors encore chez mes parents. J'ai une petite tête, pas de biceps, de grosses caisses. Ouais, franchement, c'est la honte. J'suis un squelette, une tapette, j'peux rien soulever à la fonte. J'suis une merde, à côté de ces mecs qui pèsent des tonnes. Heureusement que je rappe comme personne. Je crois que je vais avoir des problèmes avec celui-là, Flo. J'étais seul dans ma chambre, j'avais des rêves qui m'allaient trop grand. Je le voyais dans les yeux des gens, mais au fond c'était pas méchant. Tu sais pourquoi je prends mes distances? Parce que je suis fier des disques d'or à 19, mais je rêvais de la voir à 18 ans. On me dit pense à autre chose, mais j'ai que ça dans la vie et je taffe. Car y'a peut-être un futur MC meilleur que moi dans la ville. Tous me dégoûtent. Après le rap, je vais faire une grande pause. Aider les gens, donner du temps et de l'argent pour tant de causes. En attendant, je froisse et j'écrase tout être humain qui gratte. De la plus grande star mondiale au vieux crevard d'un open mic. Les MC, vous êtes où? Je vous clash, mais personne répond. Les bandits, vous êtes sourds, tirez, j'ai une cible sur le front. Moi, j'arrête pas de combat, surmonter les obstacles et les temps passés. C'est mon blast sur l'étendard. Donc surtout, ne pense pas que tu peux me remplacer. Tu vas signer un contrat, croire que c'est bon là et dans les bras de ta mère, tu vas s'enlacer. Au final, tu ne vends pas, tu perds tes contacts et toutes tes dettes vont s'entasser. J'entends déjà leur voix amère. Tu critiques encore les rappeurs? Ouais. Parce qu'ils racontent encore de la merde. Je veux pas la même vie que ma mère ou mon père. Donc je me bouge pour qu'un jour mon fils dise le contraire. Ils me regardent sur scène, ils veulent être tous potes. J'ai réalisé tous mes rêves, va falloir que j'en trouve d'autres. Faire un morceau sans Big Flo, pas possible. Ma mère en a marre de m'entendre à la radio. Moi aussi, je ne suis qu'un des sosies d'Oli. Aidez-moi, ils nous forcent à faire des folies. 17 la fin d'un mois, lui bronze sur une île en Floride. Je suis exploité, c'est horrible, à moins que je sois le vrai à faire tout ça. Mais dans ce cas, c'est historique. À l'époque où on me fermait les portes, j'avais du disque d'or, j'entendais quelqu'un me téléphone, on m'avait dit t'es mort, pourtant l'album est dans les stores. Maintenant le score les étonne, le soutien était rare dans le milieu, on a fait notre bonhomme de chemin comme des fantômes. Et le public était là et on a fait des vidéos depuis le départ, on lâche pas pareil cette année c'est la bonne. J'ai vu des MC perdre leur voix, ils paniquent trop de peur. Je me présente plus mais les gens me connaissent, j'ai l'impression d'être Harry Potter. J'emmerde leurs barrières, quel MC de 19 ans sur terre qui prétend fêter ses 10 ans de carrière. Si tu veux me stopper, accroche-toi t'es prévenu. Le disque d'or c'est comme le bac, j'ai taffé 2 mois et je l'ai eu. Je suis le meilleur rappeur français, ça fait chier que je m'en rende compte. Comme une meuf hyper jolie qu'il sait et qu'il prend pour un con. Avoir du flow c'est simple, suffit de prendre le mic et d'articuler. Là j'imagine devant ton miroir en train de dire comment il fait cet enculé. Les salles sont complètes, le disque se vend bien. Flashback quand ma prof m'avait dit tu seras jamais musicien. Leurs remarques, leurs croche-pattes, je m'en rappelle. Et sur scène, à chaque fin de concert, je pense à elle. Sans la musique, je suis pas bavard. En dehors de la scène, j'ai pas de bravoure. Le rap, je suis arrivé par hasard, j'y suis resté par amour. Je te jure, y'a que des enflures qui savent parce qu'on endure. Donc j'ai serré la ceinture en fric sans la pendule. Le business, un tas de gamins vendus. Le froc descendu depuis petit, je compte sur les doigts de la main ceux qui un jour l'ont tendu. Moi je rappe pour ceux qui vont en cours, pas pour ceux qui les cessent. J'écris pour ceux qui donnent de l'amour, pas pour les creux qui le prêchent. J'suis en studio pour ceux qui rêvent, ceux qui doutent, ceux qui souffrent. Au fond du gouffre, Oh, je me suis fait mal au doigt, je sais pas me servir de ces trucs là. Je sais pas comment ils font les mecs. Hein. C'est vraiment pas pratique. C'est lourd. En tout cas, on a bien fait de s'en débarrasser de cela. Ah ouais, ils avaient trop pris la grosse tête, mon gars. Bon, en même temps, ils sont disque d'or, hein, on peut pas. Ouais, mais pour qui ils se prennent les mecs? C'est. J'espère qu'ils vont nous durer plus longtemps, ceux-là. Moi aussi. Allez. Bon, allez, les gars. Au boulot maintenant. Mais tranquille, hein.